Radio Campus, Lille, 106,6 FM. Contre-culture, Random. Random, émission radiophonique, un dimanche sur deux, 19-20h. De l'information, de 19h à 20h, Radio Campus, Lille. C'est Random, 106,6 MHz. Hacker du groupe des générations sur Radio Campus un dimanche sur deux. Random, l'émission préférée des Ntech. Oh, comme c'est fort. Voilà, bonsoir à tous, bienvenue, c'est la 11e. Donc la 11e de Random, c'est sur Radio Campus. Voilà, et ce soir, je vais faire les petites présentations. Donc bonsoir Little Charlie. Bonsoir. Bonsoir DB. Bonsoir, bonsoir. Et nous avons un invité ce soir. Bonsoir Chihuahua. Bonsoir. Et on a Martigan à la technique. Histoire d'être complet. Ouais. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on vous a préparé une nouvelle formule, on va dire ça comme ça. Donc en fait, on va... Maintenant, on a toujours un petit plan d'actualité et ensuite on va traiter un dossier qu'on va essayer de traiter plus en profondeur, mais un seul dossier, donc histoire d'aller plus au fond des choses, et toujours l'agenda en troisième partie, voilà. Et on va également aussi se tenir à une émission plutôt technique et suivant une émission, on va dire, non technique. Voilà, donc le petit moyen mnémotechnique, pardon, ce sera une émission impair plus technique, comme là c'est la 11e, donc plus technique, et une émission paire, plutôt non technique. Donc voilà. Donc ce soir, au niveau des news, on va parler un petit peu d'Adopi, hein, comme d'habitude. Il y a toujours des petites choses à dire là-dessus, de toute façon. On parlera également de l'ACTA. On parlera de Elvis, qui n'est pas mort. Mais qui n'est pas mort, hein. Qui fait parler de lui, plutôt son passeport biométrique, on verra aussi l'histoire d'une association québécoise qui a des déboires avec la justice, la FACIL. Avec le gouvernement. Avec le gouvernement. Pas la justice. Pardon, Et on parlera également des Big Brother Awards. Ensuite viendra le dossier. Donc, le dossier, ce sera les réseaux libres. Donc je vous passe le plan, on reviendra dessus. Et ensuite, l'agenda. Voilà, pour cette heure qu'on va passer ensemble. On va démarrer sur Adopi. Comme d'habitude, hein, c'est un petit marronnier de l'émission. Donc là, on a le décret 2010-236 du 5 mars 2006. 2010 plutôt, ou 2006, qu'est-ce que je confonds, moi. Donc le 5 mars 2010, et donc c'est un décret d'application qui concerne les informations recueillies par les polices privées mandatées par les soi-disant ayants droit, ainsi que les informations recueillies par les FAI, donc un petit peu toutes les données personnelles, et puis les durées de conservation de ces données personnelles. Donc ça, c'est important parce que derrière, en fait, ça va permettre de voir un petit peu quelles vont être les soi-disant preuves utilisées par le juge pour couper l'accès à Internet des pauvres gens. Et puis, du coup, forcément, un petit peu ce qu'on va pouvoir contester. Donc, alors, les informations recueillies par les polices privées. Donc on a la date et l'heure des faits. On a l'adresse IP du contrevenant ou de la contrevenante. Le protocole de partage de fichiers utilisé, le pseudonyme de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, l'œuvre en question, le nom du fichier, parce que forcément on peut très bien mettre un Matrix et appeler ça Mad Max et inversement, Et puis le fournisseur d'accès à Internet. Alors ça, c'est le dossier qui... Il y a le protocole utilisé, je ne sais pas, tu l'as dit ou... Oui, le protocole de partage de fichiers utilisé, je l'ai dit, juste après l'adresse IP et juste avant le pseudonyme. Et donc on voit clairement que ça ne sert à lutter que contre le peer-to-peer. Que contre le peer-to-peer, ça c'est les conséquences, j'en parle juste après si t'arrêtes de me couper la parole, bordel. Et donc, ça, c'est les informations qui sont recueillies par les polices privées. Donc, en gros, ils se branchent à Emule, ils regardent leurs fichiers, et puis ils regardent qui partage tel fichier. Et ils sont payés une fortune pour ça, hein, faut quand même le dire. Et donc, ensuite, forcément, ils transmettent ce dossier-là, donc avec ces informations-là, à la Hadopi, qui, elle, va aller demander au fournisseur d'accès Internet la correspondance entre l'adresse IP et l'heure, enfin qui détenait telle adresse IP à telle heure. Et donc les informations transmises par les FAI sont le nom et prénom de l'abonné, adresse postale et électronique, numéro de téléphone, ainsi que l'adresse à laquelle correspond le numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez très bien avoir le téléphone dans votre maison secondaire et télécharger depuis là-bas. Ils ont toutes les informations. Donc les durées de conservation de ces données. Donc au moment du signalement à la Hadopi, l'Hadopi conserve ces informations 2 mois. Donc même s'il n'y a pas de mail envoyé. Donc au moment où ils envoient, au moment où on arrive à la première étape de la riposte graduée, on a 14 mois après l'envoi du mail. Ensuite on a 20 mois après l'envoi du courrier. Et donc après l'envoi du courrier, pendant 20 mois, il faut vous tenir à carreau pendant 20 mois. Donc en tout, on a une procédure qui peut durer au maximum jusqu'à 20 plus 14 plus 2, ça fait 36 mois. Si mes calculs sont exacts, 36 mois, ça fait 3 ans. Pour vous couper Internet pendant 1 an. Et le tout sur des présomptions plus que des preuves. Hein. Donc ça nous donne un petit peu les informations que va avoir le juge quand il va vouloir vous couper l'accès à Internet. Donc les conséquences, c'est qu'on voit également qu'il n'y a que les réseaux peer-to-peer qui sont surveillés. Donc il n'y a rien qui vous empêche de continuer à télécharger sur d'autres systèmes de partage de fichiers, que ce soit en téléchargement direct, que ce soit sur des protocoles plus évolués que simplement Emule et autres, Emule et BitTorrent. Et donc, les vieux de la vieille, tels que les newsgroups. Tels que les newsgroups, les vieux de la vieille, tout à fait. Donc voilà. Alors, pour voir un petit peu aussi les conséquences, il y a une étude qui a été publiée très récemment donc, par marsouin.org, qui est un groupe de veille citoyenne sur tout ce qui a trait aux usages d'Internet et du numérique en règle générale. Donc c'est une étude qui a été réalisée en région Bretagne, parce que ce groupe est issu de cette région, la Bretagne. Donc entre autres conclusions de ce rapport, qui est librement disponible en PDF sur leur site, qu'on mettra en lien sur le site de l'émission dans le résumé, c'est que 15%, suite au vote de la loi, 15% des utilisateurs de peer-to-peer ont arrêté d'utiliser du peer-to-peer. Alors ça veut pas dire qu'ils ont arrêté de télécharger, ça veut juste dire qu'ils sont probablement passés à d'autres technologies. Parce qu'en fait, il y a effectivement moins d'utilisateurs de peer-to-peer, mais plus de personnes qui continuent à télécharger. La loi Hadopi ne sert à rien, elle a juste modifié les usages et les comportements, et c'est tout. Autrement dit, Madame Michu va concrètement commencer à découvrir la cryptographie, et ça, c'est une bonne chose. Merci, la loi Hadopi. Petite parenthèse, faut pas oublier que en dehors de la collecte des informations personnelles, concrètement, on ne risque rien tant qu'on n'a pas reçu le recommandé. Oui, en plus, effectivement. Donc finalement, Hadopi a dépénalisé le téléchargement et l'encourage vivement. Alors, allons-y, continuons gaiement. Donc la deuxième news, elle concerne l'ACTA, le traité anti-contrefaçon, qui met un peu tout et n'importe quoi. Donc à la fois la lutte contre le téléchargement illégal en mettant une Hadopi au niveau mondial, en légalisant des tas de trucs, on parle des brevets logiciels qui vont revenir et d'autres choses. Et donc là, ce traité, pour l'instant, il est négocié secrètement entre des gouvernements et entre l'UE via la Commission européenne qui négocie le traité, mais dans l'opacité la plus totale. Et donc là, cette semaine, plutôt la semaine dernière, je crois, donc il y a le Parlement qui a voté la déclaration écrite, le Parlement européen qui a voté la déclaration écrite 12/2010, où à 633 voix contre 13, donc ce qui est quand même assez énorme. C'est quasi l'unanimité. Il y a juste les députés lobbyistes habituels qu'on connaît. Donc, on votait une déclaration demandant à ce qu'il y ait une transparence sur les négociations et que le Parlement puisse voir le contenu des négociations et rajouter son grain de sel dedans. Et donc, ça, il y a une deuxième déclaration qui devrait suivre dans les semaines qui vont venir pour préciser ce que le Parlement veut voir dans le texte, donc notamment le respect de la neutralité du net, le fait qu'on coupe pas l'accès, qu'on filtre pas le contenu des échanges, et aussi qu'on vienne pas saisir les baladeurs MP3 et les ordinateurs en passant à l'aéroport, puisque ACTA va aussi mettre ça en place. Donc, c'est génial. Et les iPhones ? Voilà, les iPhones aussi. Oh, c'est génial, trop bien. Ouais, voilà. Donc moi j'avais une petite news, bon, plus rigolote qu'autre chose, sur... alors elle n'est pas toute jeune, elle date de septembre 2008, même si elle a été, on va dire, annoncée là en février. Donc c'est il y a deux hackers, on peut les appeler comme ça, qui ont passé le système de sécurité automatique de l'aéroport d'Amsterdam. C'est l'aéroport Schiphol, je sais pas si ça se prend comme ça. Non, on n'en a pas parlé. Non, mais voilà. Voilà. Et donc voilà, ils ont passé avec le passeport biométrique de Elvis Presley. Donc voilà. Donc ça m'a fait un petit peu rire. Et bon, même si maintenant ils disent que c'est beaucoup plus dur parce que maintenant les passeports biométriques sont. En plus, il y a un scan facial. Après, il y a reconnaissance d'empreintes, etc. Donc, c'est plus compliqué. Mais bon, ça reste carrément faisable, quoi. On voit que... rien n'empêche, vu que le passeport a pu être déjà falsifié, qu'on mette ses propres empreintes et sa propre tête. Oui, oui, voilà. Mais qu'on change juste le nom. Oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Sachant que le passeport leur a coûté à peu près une centaine de dollars. Donc, c'est accessible, hein, relativement, pour Noël, un petit peu. Ouais, voilà, c'était juste pour les fans de musique. Pour les petites infos. Ouais. Pour 100$, ressusciter Elvis. Ouais, bah, on ressuscite Elvis. Donc, dans les news, il y a aussi une association québécoise qui, en fait, est un peu en confrontation avec le gouvernement Charest, le gouvernement du Québec. Il y a donc, pour la petite histoire, le gouvernement québécois a donc passé commande de logiciels pour mettre à jour des ordinateurs, donc certainement du Windows et du Microsoft Office, pour $720,000, ce qui normalement aurait dû être l'objet d'un appel d'offres. Et donc il y a une association de logiciels libres qui s'appelle Facile. Et une société qui s'appelle donc Savoir-faire Libre ou un truc comme ça. Savoir-faire numérique, il me semble. Ou Savoir-faire Libre. Donc, il y a eu donc une requête à la cour de... Alors, donc, il y a eu une requête qui a été déposée. Ça a été, donc, l'association a été déboutée de sa demande. Et en plus, le gouvernement... demande 106 000 dollars de remboursement de frais de justice pour le gouvernement. Dur. Et donc là, clairement, ça mettrait Facile sur la paille, ainsi que les dirigeants de l'association. Donc le but, c'est clairement de museler et d'éteindre le mouvement du logiciel libre, du moins à Québec. Donc voilà. Et donc l'association dénonce le fait que tout dialogue est impossible... Sur le domaine du logiciel libre et sur le domaine des finances publiques, que le gouvernement ne veut pas rendre des comptes sur le fait qu'il a financé des trucs qui servent... l'argent aurait pu être employé à d'autres choses. Et, si l'association doit être amenée à payer cette somme-là, ça risque de porter un coût assez important, alors même qu'il y a une grosse, grosse progression du logiciel libre donc au Canada. On parle de 47% au niveau du chiffre d'affaires. Entre parenthèses, au Canada, il y a quand même Théo de Roth et OpenBSD. Et OpenBSD 4.7 est sorti, est en pré-vente depuis la nuit dernière. D'accord. Alors il faut savoir que sur ces histoires de marché public, ça ne se passe pas qu'au Québec. ça se passe aussi chez nous, qu'il y a très régulièrement des appels d'offres donc sur les plateformes de marché public dématérialisés qui paraissent, qui parfois dans les spécifications, donc la description du marché, font mention express de produits, donc de logiciels propriétaires, parmi les prérequis. Ce qui contrevient à certaines dispositions parfois prises dans les programmes électoraux par les élus responsables donc, des entités qui passent ces marchés, mais aussi par rapport aux positions de certaines administrations. Et du coup, puisque c'est qualifié parfois comme étant une atteinte à la concurrence... C'est déjà contraire au code des marchés publics qui impose qu'on n'a pas le droit de citer de marque, de demander une marque spécifique pour un appel d'offres. Tout à fait. On peut néanmoins... Ils trouvent toujours moyen de contourner, assistés par les commerciaux, donc des éditeurs de ce genre de produits. Mais voilà, il se trouve qu'il est possible de faire une opposition donc, au tribunal administratif à l'attribution d'un marché public. C'est juste que finalement, peu de gens les surveillent. Donc là-dessus, il peut y avoir une mobilisation de tout le monde pour surveiller un petit peu ce que l'État fait de nos deniers et ce qu'il reverse donc... Concept de surveillance des surveillants. Et justement en parlant de surveillance des surveillants, on a donc l'édition 2010 des Big Brother Awards qui vient de se lancer en passant par la première étape qui est l'ouverture des soumissions de nomination. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que les Big Brother Awards ? Eh bien, chaque année, depuis quand même plusieurs années maintenant, il y a des prix qui sont remis aux personnes qui écrasent de manière très volontaire les libertés individuelles, notamment toutes celles relatives à la société de l'information. Donc on a un certain nombre de catégories. Donc là, le but du jeu, c'est que tout citoyen et toute citoyenne peut aller monter un dossier contre une personnalité ou une ville ou une entreprise ou que sais-je, et le présenter. Ce dossier sera présenté donc à un jury de sélection qui choisira et puis produira une liste de nominés qui seront départagés pour le gain de leur prix au moment d'une cérémonie qui aura lieu le 29 mai 2010 à Paris. Et donc, dans ces catégories, il y en a plusieurs. Il y a donc la catégorie État élu, ensuite la catégorie entreprise, la catégorie localité, la catégorie novlangue, les gens qui sont nominés pour l'ensemble de leur œuvre, la mention spéciale, le Big Brother pour la technologie également, et puis le prix Voltaire qui lui n'est pas un Big Brother Awards, mais qui est plutôt un prix décerné aux personnes qui défendent les libertés individuelles, et notamment sur le Big Brother Awards, c'est très très axé sur la tout ce qui est liberté d'expression. Et donc les choses un petit peu comme ça, surveillance, etc. Donc n'importe qui peut monter un dossier. Il y en a par exemple deux qui peuvent être très rigolos dans la métropole lilloise. C'est un qui concerne la vidéosurveillance à Marc-en-Barœul. Et aussi le travail sur Adobe. C'est aussi sur le travail sur Adopi de certaines personnes à Marc-en-Barœul. Et puis également un dossier sur les RFID dans le métro lillois, par exemple. Et donc vous aurez l'occasion de découvrir un peu plus ça dans le résumé, mais on ne peut pas trop en parler vu qu'on est en période électorale. Eh oui, tout à fait, on ne peut pas donner de nom, et on ne peut pas donner de parti. Voilà, donc là je vous propose une petite pause musicale. Donc on va se retrouver pour parler de notre dossier d'aujourd'hui qui sera les réseaux libres. Et voilà. Bonjour les gars, je m'appelle Matt Martigan. Random. Toi, arrêter, c'est trop risqué. C'est pas vrai. Et alors ? C'est fini, je raccroche. Non, fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Pas bonne du tout. C'est pas lui qui décide. Aucune importance. Est-ce que tu défies mon autorité ? Oui. Le NKM, c'est la deuxième fois qu'elle craque son slip, là, quand même. C'est pas possible, on a de la chance. Non. Radio Campus Lille. Le coin est dangereux. Arrêtez-vous ! Qu'est-ce qui se passe ? Il a un gland dans la main ! Tu dis ça à chaque fois. Tu vois ce gland ? Un dimanche sur deux de 19h à 20h sur Radio Campus 106,6 MHz. Thank you. Voilà, donc vous venez d'écouter In the Past, c'est signé Lukács sur l'album Dead Pixel. Et voilà, donc nous allons passer à notre petit dossier, les réseaux libres. Oui. Bah, d'abord, qu'est-ce que c'est un réseau, comment ça fonctionne? Donc je sais pas, Chihuahua, est-ce que tu peux présenter? Un réseau à la base, c'est le fait, c'est un moyen d'échange d'informations. Un réseau, c'est pas forcément des machines et des câbles, hein, c'est un réseau de personnes qui sont capables de relayer des informations entre elles. Tous les réseaux, à la base, c'est ce qui permet un échange. Un réseau informatique, c'est donc des machines qui causent la même norme, qui sont capables d'utiliser les mêmes prises et les mêmes câbles pour échanger des données entre elles. Donc on a eu depuis les années 50 les premières interconnexions de machines qui se sont mises à échanger des données avec des protocoles très spécifiques. Puis est apparu donc à la fin des années 60 l'ARPANET qui est l'ancêtre d'Internet, donc avec le protocole IP qui a normalisé les communications entre machines. Il y a eu donc des réseaux qui se sont mis à s'interconnecter pour échanger des données entre réseaux, et on est passé donc de petits réseaux locaux, enfin petits parfois de plusieurs dizaines de milliers de machines, à un réseau global où tous les opérateurs de réseau se sont dit qu'ils avaient tout intérêt à s'interconnecter pour échanger des données entre eux. Internet étant un réseau de réseaux. C'est ça. Et donc là on parle de réseau libre, mais comment on pourrait définir... En quoi un réseau est-il libre? Alors l'appellation réseau libre, en fait, c'est quelque chose qui passe un petit peu dans le langage courant, dans le domaine donc du réseau, en tout cas de la lorgnette associative, notamment du point de vue de French Data Network. Tout simplement parce que finalement, le réseau, on le fait grâce à du logiciel libre, et grâce au réseau, on fait du logiciel libre. Finalement, les deux étant très complémentaires, le réseau est libre parce qu'il permet toute communication, tout échange, en toute liberté, dans le respect des droits de chaque utilisateur. Et c'est cette notion de liberté qui est intrinsèque au réseau, parce qu'à partir du moment où on commence à ne plus échanger librement, ben finalement, c'est plus vraiment un réseau. Donc c'est une notion de liberté de circulation de l'information. Voilà, on considère que le réseau, et notamment Internet, de par sa constitution, donc la coopération entre les opérateurs, est intrinsèquement neutre. Sans ça, il ne marcherait pas. Et dans la notion de réseau libre, il y a aussi une notion d'appropriation de la technique par ses utilisateurs, et l'appropriation du réseau par ses utilisateurs, comme dans FDN ou... Ben, en fait, dans un réseau disons que d'ancienne génération, notamment les réseaux de télématique comme le Minitel, l'utilisateur avait juste un terminal de connexion à un serveur centralisé. Il n'était pas maître de quoi que ce soit. Le réseau décidait de ce qu'il voyait, ce qu'il ne voyait pas, et c'est tout le contenu au centre du réseau donc, qui gérait l'intelligence donc des échanges permis par le réseau. Sur Internet, c'est différent puisque chaque utilisateur a sa machine qui est complètement autonome et qui est un nœud du réseau, qui a donc une totale liberté de communiquer avec n'importe quelle autre machine et donc de permettre à deux utilisateurs de communiquer en totale liberté. De cette façon, on a chaque utilisateur a la liberté de faire ce qu'il veut de son accès au réseau. Bon, bah, au moins, les choses sont claires. Donc vous avez... techniquement la possibilité de faire à peu près ce que vous voulez sur le réseau, sauf que vous êtes un utilisateur final. Vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez tant que vous avez un vrai accès au réseau. Voilà, c'est ça. Et donc justement, on en arrive un petit peu à la section suivante de la truc. Donc, dans un premier temps, on va décrire un petit peu les différents acteurs qu'il y a dans le réseau libre. Qui prend... C'est génial, émission aléatoire. Donc, au niveau du réseau libre, il existe deux types de réseaux libres. Il y a les réseaux d'accès à l'internet, les opérateurs d'accès à l'internet, donc comme FDN. Comme d'autres opérateurs. Citoyens. Donc là, le but, c'est de se connecter au réseau des réseaux pour échanger des contenus avec vraiment toute la planète. Et ensuite, au niveau des réseaux libres, ce qu'appellent les Belges le réseau citoyen, il y a donc les réseaux maillés où chaque personne va relayer l'information de ses voisins, En fait, l'information va faire des sauts de puce d'ordinateur à ordinateur. Voilà. Donc, Je pense que dans un premier temps, on va un peu détailler la première façon de transmettre l'information, donc en se connectant par le réseau des réseaux, via FDN ou d'autres opérateurs. Et ensuite, on verra un peu plus la deuxième possibilité. Alors, justement, on va parler donc des opérateurs Internet indépendants. Dans un premier temps, donc on va citer quelques noms. Donc on avait Jitoyen, il y a FDN, donc French Data Network, ILO, et puis CDN un jour, City Data Network. On va en parler. Donc c'est des opérateurs Internet indépendants. Alors Internet, comment ça marche? C'est une hiérarchie de réseaux. Puisque chaque réseau n'est pas connecté directement avec d'autres réseaux. Mais voilà. Et donc il y a une architecture qui est au moins partiellement centralisée, voire parfois centralisée. Pas tout à fait, en fait. C'est plus une maille qu'une hiérarchie, dans la mesure où chaque réseau, donc parmi les 50 et quelques milliers de réseaux qui constituent Internet, va se connecter à quelques douzaines, voire centaines d'autres réseaux. Après, c'est en fonction des possibilités d'échange, que ce soit physique ou contractuel maintenant, on a la possibilité d'avoir un maillage plus ou moins dense et donc finalement pas trop de considérations hiérarchiques. Mais ça, c'est en théorie, mais en pratique, il y a eu une concentration des acteurs qui font que pour passer d'un continent à un autre, on passe par des opérateurs internationaux. Mmh. Qui sont interconnectés avec tous les réseaux. C'est ce qu'on appelle les tier 1. Voilà. Alors en fait, les tier 1. Ça hiérarchise un peu le. C'est plus qu'il y a trois types d'opérateurs, on va dire. Il y a les eyeballs, donc qui sont les réseaux d'accès à Internet pour les utilisateurs finaux. Il y a les CDN ou Content Delivery Networks qui sont les hébergeurs, les diffuseurs de contenu, donc qui eux n'ont pas vraiment d'utilisateurs mais qui ont beaucoup de contenu à déverser sur le réseau. Il y a les réseaux intermédiaires, principalement les réseaux de transit, qui servent à faciliter les liens entre les deux. C'est-à-dire que plutôt que de tendre directement un câble, donc pour un CDN, d'aller tendre des câbles avec les opérateurs de tous ces réseaux, de tous les réseaux d'accès, donc de tous les utilisateurs, tout simplement parce qu'il peut difficilement tendre lui-même un câble transpacifique pour aller se connecter, donc imagine au VH qui veut aller envoyer du contenu au Brésil. Il va avoir un petit peu de mal, même si c'est une boîte qui marche bien, à payer un câble de plusieurs milliers de kilomètres. Du coup, il va plutôt acheter du transit à une boîte qui est spécialisée et qui donc opère un réseau d'envergure internationale. Et ces tier 1, on peut en citer quelques-uns. Il y a Level 3, Cogent, Open Transit International, donc membre du groupe France Télécom. Il y en a pas mal d'autres, Tata Télécom et j'en passe. Qui a souvent des problèmes avec l'IPv6, qui filtre des plages IPv6 ou le peering qui saute. Oui, mais bon, ça à la limite, c'est pas forcément du fait des opérateurs, c'est plus parfois de la responsabilité du fabricant du routeur. Pour pas donner de nom. ça fait une référence directe à San Francisco. Ouais. bien joué. Bien, ouais, sur ce coup-là. Et donc, justement, voilà. Oui, tu voulais. Pour en revenir au côté centralisé, on a quand même, d'un point de vue local, de chaque opérateur, du moins en France ou même dans les autres pays, le fait d'avoir une grosse entité qui a son réseau, qui va faire un peu un arbre, une arborescence au niveau réseau, faire des liaisons de la capitale vers les capitales de région, ensuite des capitales de région vers les villes, et dans les villes vers chaque habitation. Ce réseau arborescent, il impose une hiérarchie un peu au niveau du réseau. Alors ça, c'est faiblement maillé. C'est à la fois des considérations techniques, économiques et historiques qui sont assez subtiles et surtout largement fonction des territoires dont on parle. Il se trouve qu'en France, historiquement, on avait un réseau d'envergure nationale qui était celui de l'opérateur historique, qui avait fait ça à sa sauce pour fournir des circuits de téléphone et qui n'était pas vraiment conçu pour faire de l'Internet. En parallèle de ça, on a un réseau qui s'est construit dans les 10 dernières années, depuis 1999, qui est celui de Free, où là, plutôt que d'essayer de faire du circuit comme les vieux opérateurs télécom des années 50 et 60, se sont dit, on va faire au plus simple, on va faire directement de l'IP sur de l'Ethernet, et puis on va essayer de mailler un maximum, parce que ça nous coûtera moins cher de faire des mailles que de doubler, tripler les liens hiérarchiques. Résultat des courses, des opérateurs donc, qui sont dans l'état d'esprit réseau paquet, par rapport à réseaux commutés, vont plus naturellement déployer des infrastructures robustes au sens robustesse des protocoles utilisés sur Internet. C'est la logique et l'intelligence de la conception du réseau et de ses équipements périphériques qui permet d'avoir un réseau solide et non la grosse concentration et la centralisation du réseau qui permet de le faire marcher. En ça, on a plus tendance à restreindre la taille des réseaux pour les rendre plus robustes, dans la mesure où c'est plus facile quand on commence... Alors, on parlait des mesh networks en Wi-Fi tout à l'heure. Les mesh networks, c'est donc des mailles de réseau où chaque utilisateur est à la fois... On en parle juste après, ça. Voilà. Un point terminal et un relais. Et du coup, c'est plus robuste parce que tout le monde peut relayer tout le monde. Voilà. Mais donc là... pour mettre en place, là tu parlais d'infra, ça a quand même un coût pour mettre ça en place. Par exemple, un fournisseur, comment fait FDN pour mettre ça en place ? Il y a une infra Alors, FDN n'a pas vraiment d'infrastructure, disons ce qu'on appelle le réseau d'accès, puisque concrètement, pour fournir un accès Internet, il faut quoi ? Il faut un cœur de réseau qui soit connecté avec d'autres opérateurs. Et il faut un moyen de raccorder les usagers du réseau à ce cœur de réseau. Alors, on pourrait poser des antennes et faire du Wi-Fi. On pourrait ouvrir des tranchées dans la rue et faire des fibres optiques. On pourrait utiliser, d'une façon ou d'une autre, un réseau déjà existant. C'est ce que fait FDN en utilisant donc de la collecte ADSL. Collecte ADSL, ça veut dire qu'on va aller acheter des liens ADSL en tarif de gros à d'autres opérateurs. Alors dans le temps, c'était Télécom Développement et CGTEL, donc racheté par Vivendi, SFR, Universal, SFR, 9CGTEL, machin. Le nom complet est assez long, il n'est pas facile à mémoriser. Acronyme à 16 caractères. Même pas, il y en a plus que ça. Alors on ne bosse plus avec SFR parce que pendant le débat, Adopi nous envoyait un recommandé en nous foutant dehors. Résultat, on s'est adressé à un autre petit opérateur qui, lui, était capable de nous vendre de la collecte. Et du coup, on passe par le réseau d'un autre opérateur pour pouvoir toucher nos abonnés, et ce, en toute transparence. Alors finalement, on a FDN qui est le réseau d'accès, qui sous-traite donc la construction physique de ses accès à un autre opérateur, qui lui-même est intermédiaire pour d'autres, et ainsi de suite. Notamment l'ancien opérateur. Notamment l'ancien opérateur. Mais du coup, puisqu'on n'est plus en direct, ils ne peuvent plus nous virer comme ça. Utilise notamment les services de Jitoyen, donc qui est un groupement d'opérateurs qui sert à mutualiser la partie transport. Donc les réseaux de transport qui ne sont ni accès ni contenu. Jitoyen, en fait, c'est un moyen de rassembler des réseaux à la fois d'accès, de transport et de contenu pour mutualiser les coûts. Jitoyen, c'est des gros switches. Switch, routeur. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi le lire. Justement, puisqu'on qu'on y est à dire que Jitoyen, etc., à dire ce que c'est, on n'a pas présenté FDN depuis tout à l'heure qu'on en parle. Oui, oui, donc quand même. Alors, on va reprendre les choses au début. French Data Network, qui est en fait le plus ancien fournisseur d'accès en France encore en activité. Le plus ancien, dont très peu de gens ont entendu parler, tout simplement parce que FDN est né en 1992, à une époque où le web n'existait pas, où Wanadoo n'existait pas, France Télécom faisait pas encore de l'Internet. Et puis il y a des gens donc, qui, notamment par leur connexion au milieu universitaire, avaient déjà vu Internet et se sont dit, puisqu'on veut pouvoir utiliser Internet chez nous, on va le faire nous-mêmes. Donc c'est un fournisseur d'accès Internet associatif qui fonctionne depuis avant les gros poids lourds que tout le monde connaît. Et qui, à l'heure actuelle, est très très très actif dans tout un tas de dossiers liés aux libertés numériques. Et puis c'est un peu du local, parce qu'il y a quand même une grosse partie des personnes d'FDN qui sont sur Amiens. Non, pas que. Il y a Amiens, il y a Paris. Disons que FDN a une envergure nationale, mais ne cherche pas à devenir trop gros. En fait, on part du principe... Donc constant que le réseau, ça sert à raccorder des gens, que les gens, c'est quand même mieux quand ils se connaissent. On a aussi constaté que finalement, le principal carburant pour faire marcher le réseau, c'est encore la bière. Ça marche assez efficacement, d'ailleurs, voilà. Pour résoudre les panneaux. Et pas sur les switches, la bière. Non. Ni sur les claviers. Ni dans les studios de campus. Certainement pas, voyons. Jamais. jamais. Et du coup, dans FDN, on se connaît tous plus ou moins. Il y a pas mal de liens entre les membres, et finalement, parce que c'est le propre du milieu associatif, parce qu'on collabore à faire quelque chose qui nous permet d'échanger, qui nous permet de nous connecter au reste du monde, c'est assez amical, assez bon enfant. Et puis c'est le mode auberge espagnole où tout le monde amène ce qu'il sait faire pour faire marcher le réseau de l'association. Résultat, actuellement, FDN, c'est entre 100 et 120 lignes ADSL et c'est 240 membres de mémoire, mais bon, les chiffres évoluent vite parce que ça intéresse du monde. Surtout dans le contexte politique actuel où il y a pas mal de gens qui se posent des questions philosophiques et politiques sur le réseau, et donc ça les amène vers FDN. Voilà, au moins en tant que sympathisant. Du coup, FDN va plutôt chercher à encourager la création d'autres opérateurs, parce que quand on commence à réfléchir, à avoir des réflexions de fond par rapport aux problématiques de liberté numérique, aux problématiques politiques ayant trait au réseau, c'est plus simple de pouvoir se retrouver, notamment physiquement au niveau local. Moi, hier soir, j'étais à Amiens, donc justement pour une réunion du bureau. On avait besoin de se rencontrer pour en parler. C'est finalement plus pratique et plus humain. Le réseau, il est humain finalement. Donc, on a parlé de CDN, le Chief Data Network. Par exemple, nous, on aimerait bien pouvoir monter un opérateur, un fournisseur d'accès local sur la région Nord-Pas-de-Calais, pour commencer la métropole lilloise, et puis on verra ce qu'on peut faire après. Le problème, c'est que pour ça, finalement, il faut des bras. Alors, Charlie et moi sommes actifs dans FDN. On a bien envie, du coup, de lancer le CDN. Moi, j'ai rencontré, pour l'instant, 5 personnes qui aimeraient rejoindre la constitution de cette nouvelle association et de ce nouvel opérateur. Espérons que d'autres personnes entendre le message et viennent faire de l'internet libre avec nous. Tout à fait. D'accord. Alors, dernière chose dont on voulait parler sur cette histoire d'opérateur internet indépendant avant de partir sur les réseaux méchés, parce que sinon on va se retrouver comme d'habitude à galérer, à courir après le temps pour la fin de l'émission. Donc internet, il y a toute une problématique d'adresse publique et d'interconnexion au réseau. Donc de système autonome. Et c'est aussi ça dont on parlait dans cette idée de centraliser, c'est que dans Internet, ce sont des réseaux autonomes interconnectés entre eux et qui se routent les paquets, les contenus d'un réseau à l'autre, de proche en proche. Alors en fait, quand on est opérateur internet, on commence par demander au RIR, donc l'entité continentale de gestion des numéros d'internet, de nous attribuer un numéro de réseau et des adresses. Passage obligé pour avoir le droit donc d'utiliser des adresses et de les redistribuer dans le réseau. Mais dans le studio, je suis sur une clé 3G. Et c'est des adresses privées, c'est pas de l'internet. Non, c'est pas de l'internet parce que tu peux pas communiquer librement avec tout le n'importe qui. En fait, tu es une machine connectée à internet. Ta machine est connectée à internet à partir du moment où elle peut être à la fois client et serveur pour toutes les autres machines d'internet. Donc là, l'internet vendu par les gros opérateurs en 3G, c'est pas de l'internet. Ça l'a jamais été. C'est plus un accès à quelques services d'internet au travers de passerelles, mais c'est en fait tu es connecté au réseau de ton opérateur qui, plutôt que d'essayer de faire de l'internet propre en te donnant une adresse publique et en la routant, se sont dit après tout c'est des bleus, ils vont utiliser que le web, alors une adresse privée natée avec des proxys filtrants qui compressent et tout ça, ça suffit largement, alors on va pas s'embêter. Et les gens achètent en plus. Oh oui, ça se vend relativement bien. Maintenant, même avec une clé 3G, après, on peut très bien monter un tunnel, par exemple. Voilà. C'est ce qui est fait au studio. C'est ce qu'on fait au studio, tout bêtement. Ah, c'est ça l'appel. Non, désolé. On va peut-être faire une petite pause musicale avant de passer. Ouais, tout à fait. Parce que là, ça fait quand même 20 minutes qu'on parle. The Mayo, ouais. Voilà, donc petite pause musicale, c'est le moment de nous appeler. Et voilà comment faire. Vous pouvez nous joindre au 03 20 91 24 00 pendant les pauses musicales ou sur le canal random du réseau silk.dg-sc.org. Toutes les infos sont sur lille.dg-sc.org/random. Reviens, je t'amuserai, je te le promets. Thank you. Voilà, donc vous venez d'entendre 20 Go to 10. C'est signé Core Wizard and Dark Master sur l'album Basic. Et c'est du libre, hein, comme tout ce qu'on passe de toute façon. Donc voilà. Donc là, on va retourner rapidement dans le vif du sujet. On va parler, on va aborder réseau maillé, mèche et réseau citoyen. Qui s'y colle ? Donc je peux le faire. Donc au niveau des... Au niveau donc des réseaux, on a vu là, les réseaux d'accès à l'internet, les opérateurs. Mais donc ça suppose donc une infrastructure, ça suppose de se regrouper dans une structure juridique qui est assez formalisée. Et donc il y a un autre type de réseau qui existe, ça s'est développé pas mal à Bruxelles, à Paris, à Lille, il y a pas mal d'endroits où il y a des petits réseaux donc dits citoyens qui ont vu le jour. Et donc comme le disait Chihuahua tout à l'heure, c'est des réseaux où chaque acteur du réseau cumule un peu tous les rôles. Il y a un rôle de routage de l'information vers ses plus proches voisins, de relais de l'information. Il y a un rôle de producteur et utilisateur de l'information et d'hébergement de services. Donc c'est des petits réseaux à l'échelle d'un quartier, d'une ville, le record étant de 300 km. Oui, bah justement, on va y venir après. Donc il y a eu des liaisons méchées pour faire un record qui ont pu tenir jusqu'à 300 km où chacun relayait peu à peu son voisin. De proche en proche. Je crois que c'était en Belgique, mais je suis plus sûr. Il y a eu un autre record comme ça, mais alors là, en point à point, en Espagne, ils ont fait 380 et quelques kilomètres avec juste un point d'accès Wi-Fi. Et bon, avec un bon point d'accès. Une antenne, avec des antennes paraboliques. Ouais, paraboliques de 80 cm, ouais. Et donc oui, donc on va venir à Battle Mesh. Donc Battle Mesh, c'est dans le courant d'avril, donc ça se passe à Rome, mais il y a aussi ça à Paris et à Bruxelles, faire un réseau méché le plus large possible, le plus long possible, pour tester tout ce qui est algorithme de routage, la programmation de la détection des voisins, tout ça. Tester les protocoles de routage, tester un petit peu les technologies. Donc au niveau de Lille, vu qu'on est là basé pour l'émission donc sur Lille, il y a un réseau qui existe comme ça, un réseau citoyen, qui est donc Lille sans fil. Géré par l'asso du même nom. Oui. L'association a un peu... Elle est plus très active. Le sujet est un peu avec l'arrivée de la DSL un peu partout. Bah, du moins en métropole, c'est devenu, ça a intéressé un peu moins de monde. Ça va peut-être revenir. Donc là, avec Adopi et d'autres. On espère. Donc il y a cette association là qui existe au niveau local, mais maintenant qui existe plus trop. Et donc il y a une fédération en France qui s'est mise en place, qui essaye de chapeauter un peu tout ce qui est les réseaux citoyens, qui s'appelle Wireless FR, qui est plus ou moins active selon les zones. Bon, alors faut voir que Wireless France en fait va accompagner, fournir un petit peu d'aide aux petits opérateurs qui veulent se lancer donc en local. Mais il y a les réseaux méchés, il y a aussi les réseaux un petit peu plus classiques qui servent surtout à déployer du Wi-Fi là où il n'y a pas d'ADSL. Parce que France Télécom n'est pas foutu d'en mettre. Du coup, c'est les locaux qui décident de se rassembler en association et de se remonter les manches pour aller mettre des points d'accès là où il faut pour avoir du réseau chez eux. Ça, c'est l'accès Internet. C'est dans le cas de... c'est un peu hybride, vu que l'infrastructure qui manque, elle est faite par les... Pas les faites par les gens. Par les gens. Donc c'est un peu entre les deux types de réseaux. C'est notamment le cas sur Grenoble, la région grenobloise. La région grenobloise, justement, c'est un petit peu le berceau de France Wireless, parce que c'est... en tout cas, c'est là-bas qu'on connaît le plus de membres actifs. Ils ont simplement décidé de couvrir toutes les vallées, surtout au nord de Grenoble. Et résultat, ils sont capables de faire des liaisons de plusieurs kilomètres à plusieurs mégabits. Voire dizaines de mégabits, là où la DSL passe juste pas. Ouais. Donc voilà, il y a tout un message à prendre, enfin, un petit peu dans tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Vous pouvez le faire vous-même. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'il n'y a pas besoin de... on s'y met à plusieurs, on complète chacun les lacunes techniques de l'autre, et puis on y va, on fait son réseau. Et on fait son réseau, on le fait. Et d'ailleurs, le 27 de ce mois-ci, au CCL, il y aura un atelier sur le bidouillage des routeurs... notamment des routeurs sous OpenWRT sur comment maîtriser un peu le matériel que vous avez pour faire vraiment des choses vachement sympathiques. Et comment on fait le plus intelligemment possible des réseaux maillés, donc qui permettent vraiment de relayer l'information, même s'il y en a un qui tombe en panne, même s'il y a des perturbations. C'est finalement avec des outils qui sont vachement intéressants, enfin, au niveau de la réflexion. C'est des outils mathématiques assez classiques, hein. Tout ce qui est théorie des graphes et les algorithmes de recherche de plus court chemin. Donc pour les plus férus d'algorithmique parmi nous, forcément ça va rappeler des souvenirs. Et donc OLSR ou SPF, donc, qui sont des protocoles assez avancés là-dessus. Et se mettre à bidouiller là-dedans et puis finalement les faire évoluer, les faire avancer, puisque tout est libre dans les codes qu'on utilise pour faire des réseaux citoyens, à vous d'innover pour faire les réseaux les plus rapides, les plus robustes, les plus neutres possibles. Il y a eu des évolutions, il y a eu Batman et Robin, deux logiciels assez complémentaires pour le réseau Meshé. L'OLSR qui est un travail de recherche d'étudiants de l'INRIA ou l'INRA, je sais plus. INRIA, je crois, ouais. Oui, l'autre c'est Agricole. Ouais, c'est pas pareil, ouais. Et donc, ouais, donc OLSR, OSPF, aussi pareil, autre protocole de routage. Sachant qu'OSPF, on l'utilise pas que sur les réseaux Wi-Fi et Mesh. OSPF, on l'utilise pas mal dans les réseaux internes des opérateurs. Alors qu'on utilise plutôt BGP pour propager les adresses entre opérateurs. Mais des protocoles de routage, finalement, il y en a une bonne dizaine qui sont utilisables sur des réseaux. Après, il faut trouver le plus adapté et voir le fignoler. Ça sera peut-être un sujet d'une émission. Oui, peut-être. Bien pointu. Vite fait, en fait, on voulait aussi parler des hébergeurs de contenu et des opérateurs de services avant l'agenda. Parce qu'un réseau... Un réseau qui existe mais où il n'y a pas de contenu, où il n'y a pas vraiment... c'est un réseau vide en fait. Bah non, pas forcément. Je veux dire, c'est justement un truc qu'on reproche à Jean-Philippe Silicani, président de l'ARCEP. Oui, c'est Jean-Philippe. Silicani. Il a sorti pas mal d'âneries ces derniers temps quand il parlait notamment de quasi-neutralité. On peut être neutre ou pas neutre, mais quasi-neutre, moi j'ai un petit peu de mal à saisir le concept. C'est un concept suisse. La quasi-neutralité, c'est un concept suisse. Non, les Suisses, ils sont neutres, sauf quand ça les arrange pas. Voilà, exactement. Non, si t'es quasi-neutre, t'es juste pas neutre, parce que pour dire quand tu es quasi ou neutre, bah déjà t'es plus neutre. Bah ouais. D'accord. Voilà. Donc Silicani a dit justement que le but de la quasi-neutralité était de favoriser l'accès au contenu licite, mais il parlait que de contenu, il parlait pas de communication. Nous, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, le réseau Internet, c'est un réseau de personnes. C'est des utilisateurs qui sont capables de communiquer, de publier. C'est Benjamin Bayard a dit ça. C'est justement de ça qu'on parlait, du fait que, les utilisateurs puissent être créateurs de leur contenu, hébergeurs de leur contenu, le fait qu'ils fassent... Ils puissent communiquer librement. Alors, la question là-dessus, c'est le contenu, où est-ce qu'il est? Comment est-ce que les autres peuvent y accéder? Il faut un réseau pour transporter les données, et il faut aussi des services pour pouvoir distribuer ce contenu. Et alors là, on en arrive au principe d'hébergement et d'auto-hébergement, qui sont donc des services qui permettent, par exemple, d'héberger un site web, un blog ou un wall ou... c'est mes notes, tout à fait, c'est à moi de parler, c'est ma partie, bordel. Bon, ok. Et donc, auto-hébergement, dans les hébergeurs de contenu, c'est donc comment poser un site web, à quel endroit, etc., etc. Donc, soit on le fait à la main, soi-même, c'est ce qu'on appelle l'auto-hébergement. On a parlé l'émission précédente de NetworkN, du projet de Charlie, de mutualisation un petit peu de toutes ces ressources décentralisées, etc., de l'auto-hébergement. Faut savoir que ça, c'est quelque chose qui peut se faire. On peut s'auto-héberger. DG-C.org est d'ailleurs auto-hébergé, tout comme d'ailleurs plein de sites. On peut le faire soi-même. Il y a toute une culture do it yourself, un petit peu comme ça, qui vient de la culture hacker. Et donc l'auto-hébergement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour les personnes qui ne souhaitent pas mettre les mains dans le cambouis, On a également toute une partie... C'est pas compliqué. Hein. Toute une partie... Non, c'est pas très compliqué, mais... Et puis, il y a toujours quelqu'un pas loin... pour aider. Pour aider, il suffit... Dans la plupart des cas, il suffit de demander. Après, on peut s'adresser à des groupes d'utilisateurs de logiciels libres, on peut s'adresser dans des hackerspace, on peut s'adresser à des animateurs d'émissions sur Radio Campus. Ou à des hébergeurs associatifs. Ou à des hébergeurs associatifs, exactement. Donc, on va en citer globalement trois. On va citer Toile Libre. On va citer l'autre.net et Où va-t-on, même si Où va-t-on, c'est plus tout à fait associatif. Mais bon. C'était coopératif, mais la société, il me semble, un peu évolué au niveau de sa forme juridique. L'autre.net, c'est un réseau associatif payant. Donc c'est une association qui. Non. C'est, tu es membre de l'association, tu payes ta cotise et tous les services sont offerts aux membres de l'association. Oui. C'est pas un hébergement payant. Oui. Mais effectivement. Donc c'est quand même c'est un modèle d'hébergement de contenu qui a un coût finalement pour l'utilisateur. Bah oui et non, disons que c'est aussi si tu vas pas payer pour un service, tu vas payer pour la communauté qui est autour de l'association et qui peut t'aider à faire te fournir du mail, du web, de la news, enfin tous les services classiques. Alors ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça de cette histoire d'auto-hébergement ou d'hébergement associatif, c'est qu'on n'est pas obligé dans le cadre d'une activité militante où on va publier sur internet, où on va essayer d'avoir pour son groupe militant une présence sur le web notamment, donc un site web, un blog ou que sais-je, on n'est pas obligé de passer par des plateformes genre Blogger qui est Google, ou les pages perso free ou Orange, ou pire encore les trucs genre Sky Overblog machin, en sachant qu'Overblog est détenu à 20% par TF1. Donc pour toutes les personnes qui cherchent en fait à avoir une présence sur internet tout en conservant une certaine éthique politique, il y a tout un tas d'hébergeurs, certains sont locaux, d'autres le sont pas, etc. Mais il y a toute une offre et des gens qui seront super contents d'héberger vos sites web parce qu'ils croient à la liberté d'expression, parce qu'ils croient à la neutralité du net, parce qu'ils croient à la liberté de circulation de l'information et aux libertés individuelles fondamentales. On n'est pas obligé de passer par des plateformes de merde pour faire héberger son contenu. Il y en a un à Lille d'ailleurs, je viens d'y repenser, il y a Fritzy.org qui est basé à Marcq-en-Barœul. Et là, qui héberge 2000 sites. Il faut vraiment qu'on y aille, par contre, au niveau de l'agenda. Et je m'y colle rapidement. Donc, le lundi 15 mars 2010, conférence outils libres pour l'entreprise dans le cadre des lundis des libertés numériques organisées par l'association CLX. Le mardi 16, on a la conférence débat sur la LOPSI au Centre culturel et libertaire. Du 16 au 18, il y a les salons solutions open source à Paris. Enfin, solution Linux. Porte de Versailles, on y tiendra un stand. Voilà. Le samedi 27, il y a un atelier Hacking WRT dont on a parlé tout à l'heure. C'est aussi au Centre culturel libertaire. Le dimanche 28, ce sera la prochaine émission. Random 12. Mercredi 31 mars et jeudi 1er avril 2010, ce forum international sur la cybercriminalité. Et le vendredi 2 avril, il y aura le Meeting 2600. Meeting 2600 Lille, 19h30, voilà. Grand Place de Lille, www.2600-lille.org. Tout à fait. Voilà. Donc, sur ce, on va vous laisser. Temps de se quitter. Bonne soirée. Votre émission de d'électro préférée, voilà. Chupa Pimento, à bientôt. Qui arrive dans le studio.